Section 18 de Mémoires d'outre-tombe, volume 4, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehan. Quatrième partie, livre 7e, suite. Ferrare, 18 septembre 1833. Monsieur de Saint-Priest, Madame de Saint-Priest et Monsieur A. Sala arrivèrent. Celui-ci avait été officier dans la garde royale. Il a été substitué dans mes affaires de librairie à M. Deloy, major dans la même garde. 2 heures après l'arrivée de Madame, j'avais vu Mademoiselle Le Béchu, ma compatriote. Elle s'était empressée de me dire les espérances qu'on voulait bien fonder sur moi. Mademoiselle Le Béchu figure dans le procès du Carlo Alberto. Revenue de sa poétique visitation, la duchesse de Berry m'a fait appeler. Elle m'attendait avec M. le comte Lucchesi et Mme de Podenas. Le comte Lucchesi pâlit et grand et brun. Madame le dit Tancrède par les femmes. Ses manières, avec la princesse, sa femme, sont un chef-d'œuvre de convenance. Ni humble, ni arrogante, mélange respectueux de l'autorité du mari et de la soumission du sujet. Madame m'a sur-le-champ parlé d'affaires. Elle m'a remercié de m'être rendue à son invitation. Elle m'a dit qu'elle allait à Prague, non seulement pour se réunir à sa famille, mais pour obtenir l'acte de majorité de son fils. Puis elle m'a déclaré qu'elle m'emmenait avec elle. Cette déclaration, à laquelle je ne m'étais pas attendue, me consterna. Retourner à Prague. Je présentai les objections qui se présentèrent à mon esprit. Si j'allais à Prague avec Madame, et si elle obtenait ce qu'elle désire, l'honneur de la victoire n'appartiendrait pas tout entier à la mère de Henri V, et ce serait un mal. Si Charles X s'obstinait à refuser l'acte de majorité, moi présent, comme j'étais persuadé qu'il le ferait, je perdrais mon crédit. Il me semblait donc meilleur de me garder comme une réserve, dans le cas où Madame manquerait sa négociation. Son Altesse royale combattit ses raisons. Elle soutint qu'elle n'aurait aucune force à Prague si je ne l'accompagnais, que je faisais peur à ses grands-parents, qu'elle consentait à me laisser l'éclat de la victoire et l'honneur d'attacher mon nom à l'avènement de son fils. Monsieur et Madame de Saint-Priest entrèrent au milieu de ce débat et insistèrent dans le sens de la princesse. Je persistais dans mon refus. On annonça le dîner. Madame fut très gaie. Elle me raconta ses contestes à Blaye avec le général Bugeaud de la façon la plus amusante. Bugeaud l'attaquait sur la politique et se fâchait. Madame se fâchait plus que lui. Il criait comme 2 aigles et elle le chassait de la chambre. Son Altesse royale s'abstint de certains détails dont elle m'aurait peut-être fait part si j'étais restée avec elle. Elle ne lâcha pas Bugeaud. Elle l'accommodait de toutes pièces. « Vous savez, me dit-elle, que je vous ai demandé 4 fois. » Bugeaud fit passer mes demandes à Dargoux. Dargoux répondit à Bugeaud qu'il était une bête, qu'il aurait dû refuser tout d'abord votre admission sur l'étiquette du sac. Il est de bon goût, ce monsieur Dargoux. Madame appuyait sur ces 2 mots pour rimer avec son accent italien. Cependant, le bruit de mon refus s'étant répandu, inquiéta nos fidèles. Mademoiselle Le Béchu vint après le dîner me chapitrer dans ma chambre. Monsieur de Saint-Priest, homme d'esprit et de raison, me dépêcha d'abord M. Sala, puis il le remplaça et me pressa à son tour. On avait fait partir M. de la Ferronnay à Archin afin de lever les premières difficultés. M. de Montbel était arrivé, il était chargé d'aller à Rome lever le contrat de mariage, rédigé en bonne et due forme, et qui était déposé entre les mains du cardinal Zurla. En supposant, a continué M. de Saint-Priest, que Charles X se refuse à l'acte de majorité, ne serait-il pas bon que Madame obtînt une déclaration de son fils? Quelle devrait être cette déclaration? Une note fort courte, ai-je répondu, dans laquelle Henri protesterait contre l'usurpation de Philippe. M. de Saint-Priest apportait mes paroles à Madame. Ma résistance continuait d'occuper les entours de la princesse. Madame de Saint-Priest, par la noblesse de ses sentiments, paraissait la plus vive dans ses regrets. Madame de Podenas n'avait point perdu l'habitude de ce sourire serein qui montre ses belles dents. Son calme était plus sensible au milieu de notre agitation. Nous ne ressemblions pas mal à une troupe ambulante de comédiens français, jouant à Ferrare, par la permission de messieurs les magistrats de la ville, la princesse fugitive ou la mère persécutée. Le théâtre présentait à droite la prison du Tasse. À gauche, la maison de la Rioste. Au fond, le château où se donnèrent les fêtes de Léonore et d'Alphonse. Cette royauté sans royaume, ces émois d'une cour renfermée dans deux calèches errantes, laquelle avait le soir pour palais l'hôtel des Trois Couronnes, ces conseils d'État tenus dans une chambre d'auberge, tout cela complétait la diversité des scènes de ma fortune. Je quittais dans les coulisses mon home de chevalier et je reprenais mon chapeau de paille. Je voyageais avec la monarchie de droit roulée dans mon porte-manteau, tandis que la monarchie de fait étalait ses fanfreluches aux Tuileries. Voltaire appelle toutes les royautés à passer leur carnaval à Venise avec Achmed III. Ivan, empereur de toutes les Russies, Charles-Édouard, roi d'Angleterre, les deux rois des Polacres, Théodore, roi de Corse, et quatre altesses sérénissimes. Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue, et la barque est prête. Sire, votre majesté partira quand elle voudra. Ma foi, sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit. Pour moi, je dirais comme Candide, messieurs, pourquoi êtes-vous tous rois? Je vous avoue que ni moi ni Martin ne le sommes. Il était 11 heures du soir, j'espérais avoir gagné mon procès et obtenu de madame mon laissez-passer. J'étais loin de compte. Madame ne quitte pas si vite une volonté. Elle ne m'avait point interrogé sur la France parce que, préoccupée de ma résistance à son dessein, c'était là son affaire du moment. Monsieur de Saint-Priest, entrant dans ma chambre, m'apporta la minute d'une lettre que son Altesse royale se proposait d'écrire à Charles X. « Comment, m'écriai-je, madame persiste dans sa résolution. Elle veut que je porte cette lettre. » Mais il me serait impossible, même matériellement, de traverser l'Allemagne. Mon passeport n'est que pour la Suisse et l'Italie. Vous nous accompagnerez jusqu'à la frontière d'Autriche, repartit M. de Saint-Priest. Madame vous prendra dans sa voiture, la frontière franchie, vous rentrerez dans votre calèche et vous arriverez 36 heures avant nous. Je courus chez la princesse, je renouvelai mes instances. La mère de Henri V me dit « Ne m'abandonnez pas ». Ce mot mit fin à la lutte. Je cédai. Madame parut pleine de joie. Pauvre femme, elle avait tant pleuré. Comment aurais-je pu résister au courage, à l'adversité, à la grandeur déchue, réduite à se cacher sous ma protection? Une autre princesse, Madame la Dauphine, m'avait aussi remerciée de mes inutiles services. Carlsbad et Ferrare étaient deux exils de divers soleils, et j'y avais recueilli les plus nobles honneurs de ma vie. Madame partit d'assez grand matin le 19 pour Padoue, où elle me donna rendez-vous. Elle devait s'arrêter au Catajou, chez le duc Modène. J'ai 100 choses à voir à Ferrare, des palais, des tableaux, des manuscrits. Il fallut me contenter de la prison du Tasse. Je me mis en route quelques heures après son Altesse royale. J'arrivai de nuit à Padoue. J'envoyai Hyacinthe chercher à Venise mon mince bagage d'écolier allemand, et je me couchais tristement à l'étoile d'or qui n'a jamais été la mienne. Padoue, 20 septembre 1833. Le vendredi 20 septembre, je passai une partie de la matinée à écrire à mes amis mon changement de destination. Arrivèrent successivement les personnes de la suite de madame. N'ayant plus rien à faire, je sortis avec un cicérone. Nous visitâmes les deux églises de Sainte-Justine et de Saint-Antoine de Padoue. La première, ouvrage de Jérôme de Bréchian, est une grande majesté. Du bas de la nef, on n'aperçoit pas une des fenêtres percées très haut, de sorte que l'église est éclairée sans qu'on sache par où s'introduit la lumière. Cette église a plusieurs bons tableaux de Paul Véronèse, de Libéry, de Palma, etc. Saint-Antoine de Padoue, il Santo, présente un monument gothique récisé, style particulier aux anciennes églises de la Vénétie. La chapelle Saint-Antoine est de Jacques Sansovino et de François, son fils. On s'en aperçoit de prime abord. Les ornements et la forme sont dans le goût de la loggetta du clocher de Saint-Marc. Une signora, en robe verte, en chapeau de paille recouvert d'une voile, priait devant la chapelle du Saint. Un domestique en livrée priait également derrière elle. Je supposais qu'elle faisait un vœu pour le soulagement de quelque mal moral ou physique. Je ne me trompais pas. Je la retrouvais dans la rue, femme d'une 40aine d'années, pâle, maigre, marchant roide et d'un air souffrant. J'avais deviné son amour ou sa paralysie. Elle était sortie de l'église avec l'espérance. Dans l'espace de temps qu'elle offrait au ciel sa fervente oraison, n'oubliait-elle pas sa douleur? N'était-elle pas réellement guérie? Il Santo abonde en mausolées. Celui de Bembo est célèbre. Au cloître, on rencontre la tombe du jeune d'Orbezan, mort en 1595. Galou seram putawi morior spes una parentum. L'épitaphe française d'Orbezan se termine par un vers qu'un grand poète voudrait avoir fait, car il est si beau jour qui n'amène sa nuit. Charles Guy Patin est enterré à la cathédrale. Son drôle de père ne le put sauver, lui qui avait traité un gentilhomme âgé de 7 ans, lequel fut saigné 13 fois et fut guéri dans 15 jours comme par miracle. Les anciens excellaient dans l'inscription funèbre. « Ici repose Épictète, disait son cippe, esclave, contrefait, pauvre comme Irus, et pourtant le favori des dieux. » Camoens, parmi les modernes, a composé la plus magnifique des épitaphes, celle de Jean III de Portugal. Qui gît dans ce grand sépulcre? Quel est celui que désignent les illustres armoiries de ce massif écusson? Rien, car c'est à cela qu'arrive toute chose. Que la terre lui soit aussi légère à cette heure qu'il fut autrefois pesant aux morts. Mon cicérone padouan était un bavard fort différent de mon Antonio de Venise. Il me parlait à tout propos de ce grand tyran, Angelo. Le long des rues, il m'annonçait chaque boutique et chaque café. Au Santo, il me voulait absolument montrer la langue bien conservée du prédicateur de l'Adriatique. La tradition de ces sermons ne viendrait-elle pas de ces chansons que, dans le Moyen-Âge, les pêcheurs, à l'exemple des anciens Grecs, chantaient aux poissons pour les charmer? Il nous reste encore quelques-unes de ces ballades pélagiennes en anglo-saxon. De Tidlive, point de nouvelles. De son vivant, j'aurais volontiers, comme l'habitant de Gad, fait exprès le voyage de Rome pour le voir. J'aurais volontiers, comme Panormita, vendu mon champ pour acheter quelques fragments de l'histoire romaine, ou, comme Henri IV, promis une province pour une décade. Un mercier de Saumur n'en était pas là. Il mit tout simplement couvrir d'ébattoir un manuscrit de Tite-Live à lui vendu, en guise de vieux papier, par l'apothicaire du couvent de l'abbaye de Fontevraud. Quand je rentrais à l'Étoile d'Or, Hyacinthe était revenu de Venise. Je lui avais recommandé de passer chez Hans et de faire mes excuses d'être parti sans la voir. Il trouva la mère et la fille dans une grande colère. Elle venait de lire les Mie Prigioni. La mère disait que Silvio était un scélérat. Il s'était permis d'écrire que Brollo l'avait tiré, lui, Pellico, par une jambe, lorsque lui, Pellico, était monté sur une table. La fille s'écriait « Pellico est un calomniateur. C'est de plus un ingrat. Après les services que je lui ai rendus, il cherche à me déshonorer. » Elle menaçait de faire saisir l'ouvrage et d'attaquer l'auteur devant les tribunaux. Elle avait commencé une réfutation du livre. Zanz est non seulement une artiste, mais une femme de lettres. Hyacinthe la pria de me donner la réfutation non achevée. Elle hésita, puis elle remit le manuscrit. Elle était pâle et fatiguée de son travail. La vieille geôlière prétendait toujours vendre la broderie de sa fille et l'ouvrage en mosaïque. Si jamais je retourne à Venise, je m'acquitterai mieux envers Madame Brollo que je ne l'ai fait envers Abou Ghosh, chef des Arabes des montagnes de Jérusalem. Je lui avais promis à celui-ci une couve de riz de damiette, et je ne la lui ai jamais envoyée. Voici le commentaire de Zanz. La Veneziana maravigliandosi che contro di essa vicieno persona che abbia avuto ardire di scrivere pezze di un romanzo formato ed ampito di impie falsità, si l'acna fortemente contro l'autore mentre poteva servisi di altra persona onde dar sfogo al suo talento. Ma non prendersi spasso di una giovine onesta di educazione e rigilione, e questa stimata ed amata e conosciuta a fondo da tutti. Come Silvio può dire che Nelia è mia di 13 anni, che tali erano, allora quando lui dice di avermi conosciuta. Come può dire che io fossi giornariamente stata a visitarlo nella sua abitazione? Se io giuro di essere stata se non pochissime volte e sempre accompagnata o dal padre, o madre, o fratello. Come può egli dire che io le abbia confidato un amore, che io era sempre alle mie scuole e che appena cominciavo a conoscere, anzi non ancora potevo, non conoscevo mondo, ma solo dedicata ali doveri di regilione, a quelli di doverosa figlia, e sempre occupata a meie lavori, che questi erano il mio solo piacere. Io giuro che non ho mai parlato con lui, né di amore, né di altra qualsiasi cosa. Solo se qualche volte io lo vedeva, lo guardava con occhio di pietà, poiché il mio cuore era per ogni mio simile pieno di compassione. Anzi, io odiava il luogo che per sola combinazione mio padre si ritrovava, perché altro impiego lo aveva sempre occupato. Ma dopo essere stato un bravo soldato, avendo bene servito la Repubblica e poi il suo sovrano, fu stato ammesso contro sua volontà, nonché di quella di sua famiglia in quell'impiego. Falsimo, e che io abbia mai preso una mano del sopradetto Silvio, né come padre né come fratello. Prima perché, a benché giovinetta e priva di esperienza, avevo abbastanza avuta educazione onde conoscere il mio dovere. Com può egli dire di esser stato da me abbracciato, che io non avrei fatto questo con un fratello nemmeno. Tali erano gli scrupoli che aveva il mio cuore, stante l'educazione avuta negli conventi, ove il mio padre mi aveva sempre mantenuta. Bensì vero sarà che lui a fondo mi conosca più di quello che io possa conoscer lui, mentre mi sentiva giornalieramente in compagnia di miei fratelli, in una stanza a lui vicina, che questa era il luogo ove dormiva e studiava gli miei sopradetti fratelli, e come mi era lecito di stare con loro, com può egli dire che io charlassi con lui degli affari di mia famiglia, che sfogava il mio cuore contro il rigore de mia madre e benevolenza del padre, che io non aveva motivo alcuno di lagnarni di essa, ma fu da me sempre amata. E com può egli dire di avermi scridata avendogli portato un cattivo caffè, che io non so se alcuna persona possia dire di aver avuto ardire di sgridarmi, anzi di averni per sola sua bontà tutti stimata. Mi formo mille maraviglie che un uomo di spirito e di talenti abbia ardire di vantarsi di simili cose ingiuste contro una giovine onesta, onde farle perdere quella stima che tutti professa per essa, nonché l'amore di inrespettoso consorte, la sua pace e tranquillità in mezzo il braccio di sua famiglia e figlia. Io mi trovo oltremodo stegnata contro questo autore, per avermi esposta in questo modo in un pubblico libro, di tanto prendersi spasso dal nominare ogni momento il mio nome. Ha pure avuto riguardo nel mettere il nome di Tremerello in cambio di quello di Mandricardo, che tale era il nome del servo che così bene le portava ambasciate. E questo io potei farle certo, perché sapeva quanto infedele lui era ed interessato, che pur per mangiare e bevere avrebbe sacrificato qualunque persona. Lui era un perfido contro tutti coloro che per sua disgrazia capitavano poveri e non poteva mangiarlo quanto voleva. Trattava questi infelici peggio di bestie, ma quando io vedeva, lo sgridava e lo diceva a mio padre, non potendo il mio cuore vedere simili tratti verso il suo simile. Lui era buono solamente con chi le donava un buona mancia e bene le dava a mangiare. El Ciolo le perdoni, ma avrà da render conto degli suoi cattivi opere vers suoi simili, e per l'odio che a me professava et père les Correcioni che io le faceva. Per tale cattivo soggetto Silvio ha avuto riguardo e per me che non meritava di essere esposta non ha avuto il minimo riguardo. Ma io ben saprò ricorrere, ove mi ver mi verane fatta una vera giustizia, mentre non intendo né voglio esser, né per bene né malie nominata in pubblico. Io sono felice in braccio a un marito, che tanto mi amo, e c'è veramente e virtuosamente corrisposto, ben conoscendo il mio sentimento, nonché vedendo il mio operare. Ed ovro a cagione di un uomo che si è presso un punto sopra di me, onde dar forza agli suoi malfondanti scritti, essendo questi posti in falso. Silvio perdonara il mio furore, ma doveva lui bene aspertarselo quando el chiaro io ira dal suo operato. Questa è la ricompensa di quanto ha fatto la mia famiglia, avendolo trattato con quella umanità che merita ogni creatura cadata in tali disgrazie e non trattata come era gli ordini. Io intanto faccio qualunque giuramento che tutto quello che fu detto è mio riguardo da falso. Forse Silvio sarà stato malie informato di me, ma non può egli dire con verità tali cose non essendo vere, ma solo per avere un più forte motivo onde fondare il suo romanzo. Vorrei dire di più, ma la occupazione di mia famiglia non mi permette di perdere di più tempo. Solo ringraziarò intanto il signor Silvio col suo operare e di avermi senza colpa veruma posto in seno una continua inquietudine e forse una perpetua infelicità. Traduction. La Vénitienne va s'émerveillant que quelqu'un ait eu le courage d'écrire contre elle deux scènes d'un roman formé et rempli de faussetés impies. Elle se plaint fortement de l'auteur, qui se pouvait servir d'une autre personne pour donner carrière à son talent, et non prendre pour jouet une jeune fille honnête d'éducation et de religion, estimée, aimée et connue à fond de tous. Comment Silvio peut-il dire qu'à mon âge de 13 ans, qui était mes ans lorsqu'il dit m'avoir connue, comment peut-il dire que j'allais journellement le visiter dans sa demeure, si je jure de n'y être allé que très peu de fois, et toujours accompagné ou de mon père, ou de ma mère, ou d'un frère? Comment peut-il dire que je lui ai confié un amour, moi qui étais toujours à mes écoles, moi qui, à peine commençant à savoir quelque chose, ne pouvais connaître ni l'amour, ni le monde? Seulement consacré que j'étais aux devoirs de la religion, à ceux d'une obéissante fille, toujours occupé de mes travaux, mes seuls plaisirs, je jure que je ne lui ai jamais parlé à Pellico, ni d'amour, ni de quoi que ce soit. Mais si quelquefois je le voyais, je le regardais d'un œil de pitié, parce que mon cœur était pour chacun de mes semblables plein de compassion. Aussi je haïssais le lieu où mon père se trouvait par fortune. Il avait toujours occupé une autre place, mais après avoir été un brave soldat, ayant bien servi la République et ensuite son souverain, il fut mis contre sa volonté et celle de sa famille dans cet emploi. Il est très faux, falsissimo, que j'ai jamais pris une main du susdit Silvio, ni comme celle de mon père, ni comme celle de mon frère. Premièrement, parce que bien que je n'aie été privé d'expérience, j'avais suffisamment reçu d'éducation pour connaître mes devoirs. Comment peut-il dire avoir été par moi embrassé, moi qui n'aurais pas fait cela avec un frère même? Tels étaient les scrupules qu'avait imprimé dans mon cœur l'éducation reçue dans les couvents où mon père m'avait maintenu. Vraiment, il arrivera que j'ai été plus connu de lui, Pellico, qu'il ne le pouvait être de moi. Je me tenais journellement en la compagnie de mes frères, dans une chambre à lui voisine, laquelle était le lieu où dormaient et étudiaient mes susdits frères. Or, depuis qu'il m'était loisible de demeurer avec eux, comment peut-il dire que je discourais avec lui des affaires de ma famille, que je soulageais mon cœur au sujet de la rigueur de ma mère et de la bonté de mon père? Loin d'avoir un petit motif de me plaindre d'elle, elle fut par moi toujours aimée. Comment peut-il dire qu'il a crié contre moi pour lui avoir apporté de mauvais café? Je ne sache personne qui puisse dire avoir eu l'audace de crier contre moi, m'ayant tous estimé par leur seule bonté. Je me fais mille étonnements de ce qu'un homme d'esprit et de talent ait eu le courage de se vanter injustement de semblables choses contre une jeune fille honnête, ce qui pourrait lui faire perdre l'estime que tous professent pour elle, et encore l'amour d'un respectable mari, lui faire perdre sa paix et sa tranquillité dans les bras de sa famille et de sa fille. Je me trouve indigné, outre mesure, contre cet auteur pour m'avoir exposé de cette manière dans un livre publié, pour avoir pris une si grande liberté de citer mon nom à chaque instant. Et pourtant il a eu l'attention d'écrire le nom de Tremerello au lieu de celui de Mandricardo, nom de celui qui si bien lui portait des messages. Et celui-là, je pourrais le lui faire connaître avec certitude, parce que je savais combien il lui était infidèle et combien intéressé. Pour boire et manger, il aurait sacrifié tout le monde. Il était perfide à tous ceux qui, pour leur malheur, lui arrivaient, pauvres, et qui ne pouvaient autant l'engraisser qu'il aurait voulu. Il traitait ses malheureux pire que des bêtes. Mais quand je le voyais, je lui adressais des reproches et le disais à mon père, mon cœur ne pouvant supporter de pareils traitements envers mon semblable. Lui, Mandricardo, était bon seulement avec ceux qui leur donnaient la buena mancia et lui donnaient bien à manger. Le ciel lui pardonne, mais il aura à rendre compte de ses mauvaises actions envers ses semblables et de la haine qu'il me portait à cause des remontrances que je lui faisais. Pour un tel mauvais sujet, Silvio a eu des délicatesses, et pour moi qui ne méritais pas d'être exposé, il n'a pas eu le moindre égard. Mais moi je saurais bien recourir où il me sera fait une véritable justice. Je n'entends pas, je ne veux pas être, soit en bien, soit en mal, nommé en public. Je suis heureuse dans les bras d'un mari qui m'aime tant, et qui est vraiment et vertueusement payé de retour. Il connaît bien non seulement ma conduite, mais mes sentiments. Et je devrais, à cause d'un homme qui juge à propos de m'exploiter dans l'intérêt de ses écrits mal fondés et remplis de fausseté. Silvio me pardonnera ma fureur, mais il devait s'y attendre, alors que je viendrais à connaître clairement sa conduite à mon égard. Voilà la récompense de tout ce qu'a fait ma famille, l'ayant traité, Pellico, avec cette humanité que mérite chaque créature tombée en une pareille disgrâce et ne l'ayant pas traité selon les ordres. Et moi, cependant, je fais le serment que tout ce qui a été dit à mon égard est faux. Peut-être Silvio aura été mal informé à mon égard, mais il ne peut dire avec vérité des choses qui, n'étant pas vraies, lui sont seulement un motif plus fort de fonder son roman. Je voudrais en dire davantage, mais les occupations de ma famille ne me permettent pas de perdre plus de temps. Seulement, je rends grâce au signor Silvio de son ouvrage et de m'avoir, innocente de faute, mis dans le sein une continuelle inquiétude et peut-être une perpétuelle infélicité. Cette traduction littérale est loin de rendre la verve féminine, la grâce étrangère, la naïveté animée du texte. Le dialecte dont se sert Zanz exhale un parfum du sol impossible à transfuser dans une autre langue. L'apologie, avec ses phrases incorrectes, nébuleuses, inachevées, comme les extrémités vagues d'un groupe de l'Albane, le manuscrit, avec son orthographe défectueuse ou vénitienne, est un monument de femmes grecques, mais de ces femmes de l'époque où les évêques de Thessalie chantaient les amours de Théagène et de Chariclée. Je préfère les deux pages de la petite Jolière à tous les dialogues de la grande Isote, qui cependant a plaidé pour Ève contre Adam, comme Zanz plaide pour elle-même contre Pellico. Mes belles compatriotes provençales, d'autrefois, rappellent davantage la fille de Venise par l'idiome de ces générations intermédiaires, chez lesquelles la langue du vaincu n'est pas encore entièrement morte, et la langue du vainqueur pas encore entièrement formée. Qui de Pellico ou de Zanz a raison? De quoi s'agit-il au débat? D'une simple confidence, d'un embrassement douteux, lequel, au fond, ne s'adresse peut-être pas à celui qui le reçoit. La vive épousée ne veut pas se reconnaître dans la délicieuse et faible représentée par le captif. Mais elle conteste le fait avec tant de charme qu'elle le prouve en le niant. Le portrait de Zanz dans le mémoire du demandeur est si ressemblant qu'on le retrouve dans la réplique de la défendresse. Même sentiment de religion et d'humanité, Même réserve, même ton de mystère, même désinvolture molle et tendre. Zanz est pleine de puissance lorsqu'elle affirme avec une candeur passionnée qu'elle n'aurait pas osé embrasser son propre frère, à plus forte raison M. Pellicot. La piété filiale de Zanz est extrêmement touchante lorsqu'elle transforme Brollo en un vieux soldat de la République, réduit à l'état de geôlier per sola combinazione. Zanz est tout admirable dans cette remarque. Pellicot a caché le nom d'un homme pervers et il n'a pas craint de révéler celui d'une innocente créature compatissante aux misères des prisonniers. Zanz n'est point séduite par l'idée d'être immortel dans un ouvrage immortel. Cette idée ne lui vient pas même à l'esprit. Elle n'est frappée que de l'indiscrétion d'un homme. Cet homme, à en croire l'offensé, sacrifie la réputation d'une femme au jeu de son talent, sans souci du mal dont il peut être la cause, ne pensant qu'à faire un roman au profit de sa renommée. Une crainte visible domine Zanz. Les révélations d'un prisonnier n'éveilleront-elles pas la jalousie d'un époux? Le mouvement qui termine l'apologie est pathétique et éloquent. « Je rends grâce au signor Silvio de son ouvrage et de m'avoir, innocente de faute, mis dans le sein une continuelle inquiétude et peut-être une perpétuelle infélicité. Una continua inquietudine et force una perpetua infelicita. » Sur ces dernières lignes écrites d'une main fatiguée, on voit la trace de quelques larmes. « Moi, étranger au procès, je ne veux rien perdre. » Je tiens donc que la Zanz de Mie Prigioni est la Zanz selon les muses, et que la Zanz de l'apologie est la Zanz selon l'histoire. J'efface le petit défaut de taille que j'avais cru voir dans la fille du vieux soldat de la République. Je me suis trompé. Angélique de la prison de Silvio est faite comme la tige d'un jonc, comme le stipe d'un palmier. Je lui déclare que dans mes mémoires, aucun personnage ne me plaît autant qu'elle, sans en excepter ma Sylphide. Entre Pellicot et Zanz elle-même, à l'aide du manuscrit dont je suis dépositaire, grande merveille sera si la Veneziana ne va pas à la postérité. Oui, Zanz, vous prendrez place parmi les ombres de femmes qui naissent autour du poète lorsqu'il rêve au son de sa lyre. Ces ombres délicates, orphelines d'une harmonie expirée et d'un songe évanoui, restent vivantes entre la terre et le ciel, et habitent à la fois leur double patrie. Le beau paradis n'aurait pas ses grâces complètes si tu n'y étais, dit un troubadour à sa maîtresse, absente par la mort. Padoue, 20 septembre 1833. L'histoire est encore venue étrangler le roman. J'achevais à peine de lire à l'Étoile d'Or la défense de Zanz que M. de Saint-Priest entre dans ma chambre en disant « Voici du nouveau ». Une lettre de son Altesse royale nous apprenait que le gouverneur du royaume lombard-vénitien s'était présenté au Catajau et qu'il avait annoncé à la princesse l'impossibilité où il se trouvait de la laisser continuer son voyage. Madame désirait mon départ immédiat. Dans ce moment, un aide-de-camp du gouverneur frappe à ma porte et me demande s'il me convient de recevoir son général. Pour toute réponse, je me rends à l'appartement de son Excellence, descendu comme moi à l'Étoile d'Or. C'était un excellent homme que le gouverneur. « Imaginez-vous, monsieur le vicomte, me dit-il, que mes ordres contre madame la duchesse de Berry étaient du 28 août. Son Altesse royale m'avait fait dire qu'elle avait des passeports d'une date postérieure et une lettre de mon empereur. Voilà que le 17 de ce mois de septembre, je reçois au milieu de la nuit une estafette, une dépêche datée du 15 de Vienne, m'enjoint d'exécuter les premiers ordres du 28 août. » et de ne pas laisser s'avancer madame la duchesse de Berry au-delà d'Udine ou de Trieste. Voyez, cher et illustre vicomte, quel grand malheur pour moi. Arrêter une princesse que j'admire et respecte, si elle ne se veut pas conformer aux désirs de mon souverain, car la princesse ne m'a pas bien reçue. Elle m'a dit qu'elle ferait ce qui lui plairait. Cher vicomte, si vous pouviez obtenir de son Altesse royale qu'elle restât à Venise ou à Trieste en attendant de nouvelles instructions de ma cour, je viserai votre passeport pour Prague. Vous vous y rendrez tout de suite sans éprouver le moindre empêchement et vous arrangerez tout cela, car certainement ma cour n'a fait que céder à des demandes. Rendez-moi, je vous en prie, ce service. » J'étais touché de la candeur du noble militaire. En rapprochant la date du 15 septembre de celle de mon départ de Paris, 3 du même mois, je fus frappé d'une idée. Mon entrevue avec madame et la coïncidence de la majorité de Henri V pouvait avoir effrayé le gouvernement de Philippe. Une dépêche de M. le duc de Breuil, transmise par une note de M. le comte de Saint-Aulaire, avait peut-être déterminé la chancellerie de Vienne à renouveler la prohibition du 28 août. Il est possible que j'augure mal et que le fait que je soupçonne n'ait pas eu lieu. Mais deux gentilshommes, tous deux pairs de France de Louis XVIII, tous deux violateurs de leur serment, étaient bien dignes, après tout, d'être contre une femme, mère de leur roi légitime, les instruments d'une aussi généreuse politique. Faut-il s'étonner si la France, aujourd'hui, se confirme de plus en plus dans la haute opinion qu'elle a des gens de cour d'autrefois ? Je me donnais garde de montrer le fond de ma pensée. La persécution avait changé mes dispositions au sujet du voyage de Prague. J'étais maintenant aussi désireux de l'entreprendre seul dans les intérêts de ma souveraine que j'avais été opposé à le faire avec elle lorsque les chemins lui étaient ouverts. Je dissimulais mes vrais sentiments, et voulant entretenir le gouverneur dans la bonne volonté de me donner un passeport, j'augmentais sa loyale inquiétude. Je répondis, « Monsieur le gouverneur, vous me proposez une chose difficile. Vous connaissez Madame la Duchesse de Berry. Ce n'est pas une femme que l'on mène comme on veut. Si elle a pris son parti, rien ne la fera changer. Qui sait ? Il lui convient peut-être d'être arrêtée par l'empereur d'Autriche, son oncle, comme elle a été mise au cachot par Louis-Philippe, son oncle. Les rois légitimes et les rois illégitimes agiront les uns comme les autres. Louis-Philippe aura détrôné le fils de Henri IV. François II empêchera la réunion de la mère et du fils. Monsieur le prince de Metternich relèvera Monsieur le général Bugeaud dans son poste. C'est à merveille. » Le gouverneur était hors de lui. « Ah, vicomte, que vous avez raison. Cette propagande, elle est partout. Cette jeunesse ne nous écoute plus, pas encore autant dans l'État vénitien que dans la Lombardie et le Piémont. Et la Romagne, me suis-je écrié, et Naples, et la Sicile, et les rives du Rhin, et le monde entier. Ah, ah, ah, criait le gouverneur, nous ne pouvons pas rester ainsi. Toujours l'épée au poing, une armée sous les armes, sans nous battre. La France et l'Angleterre en exemple à nos peuples. Une jeune Italie maintenant, après les Carbonari. La jeune Italie, qui a jamais entendu parler de ça. Monsieur, ai-je dit, je ferai tous mes efforts pour déterminer madame à vous donner quelques jours. Vous aurez la bonté de m'accorder un passeport. Cette condescendance peut seule empêcher son Altesse royale de suivre sa première résolution. Je prendrai sur moi, me dit le gouverneur rassuré, de laisser madame traverser Venise, se rendant à Trieste. Si elle traîne un peu sur les chemins, elle atteindra tout juste cette dernière ville avec les ordres que vous allez chercher, et nous serons délivrés. Le délégué de Padoue vous donnera le visa pour Prague, en échange duquel vous laisserez une lettre annonçant la résolution de son Altesse royale de ne point dépasser Trieste. Quel temps ! Quel temps ! Je me félicite d'être vieux, cher et illustre vicomte, pour ne pas voir ce qui arrivera. En insistant sur le passeport, je me reprochais intérieurement d'abuser peut-être un peu de la parfaite droiture du gouverneur, car il pourrait devenir plus coupable de m'avoir laissé aller en Bohême que d'avoir cédé à la duchesse de Berry. Toute ma crainte était qu'une fine mouche de la police italienne ne mît des obstacles au visa. Quand le délégué de Padoue vint chez moi, je lui trouvai une mine de secrétariat, un maintien de protocole, un air de préfecture comme à un homme nourri aux administrations françaises. Cette capacité bureaucratique me fit trembler. Aussitôt qu'il m'eut assuré avoir été commissaire à l'armée des Alliés dans le département des Bouches-du-Rhône, l'espérance me revint. J'attaquai mon ennemi en tirant droit à son amour-propre. Je déclarai qu'on avait remarqué la stricte discipline des troupes stationnées en Provence. Je n'en savais rien, mais le délégué, me répondant par un débordement d'admiration, se hâta d'expédier mon affaire. Je n'eus pas plus tôt obtenu mon visa que je ne m'en souciais plus. Padoue, 20 septembre 1833. La duchesse de Berry revint du Catajau à 9 heures du soir. Elle paraissait très animée. Quant à moi, plus j'avais été pacifique, plus je voulais qu'on acceptât le combat. On nous attaquait, force était de nous défendre. Je proposai, moitié en riant, à son Altesse royale de l'emmener déguisé à Prague et d'enlever, à nous deux, Henri V. Il ne s'agissait que de savoir où nous déposerions notre larcin. L'Italie ne convenait pas à cause de la faiblesse de ses princes. Les grandes monarchies absolues devaient être abandonnées pour un millier de raisons. Restaient la Hollande et l'Angleterre. Je préférais la première parce qu'on y trouvait, avec un gouvernement constitutionnel, un roi habile. Nous ajournâmes ces partis extrêmes, nous nous arrêtâmes au plus raisonnable. Il faisait tomber sur moi le poids de l'affaire. Je partirais seul avec une lettre de madame. Je demanderais la déclaration de la majorité. Sur la réponse des grands-parents, j'enverrais un courrier à son Altesse royale qui attendrait ma dépêche à Trieste. Madame joignit à sa lettre pour le vieux roi un billet pour Henri. Je ne le devais remettre au jeune prince que selon les circonstances. La souscription du billet était seule une protestation contre les arrière-pensées de Prague. Voici la lettre et le billet. Ferrare, 19 septembre 1833. Mon cher père, dans un moment aussi décisif que celui-ci pour l'avenir de Henri, permettez-moi de m'adresser à vous avec toute confiance. Je ne m'en suis point rapporté à mes propres lumières sur un sujet aussi important. J'ai voulu, au contraire, consulter dans cette grave circonstance les hommes qui m'avaient montré le plus d'attachement et de dévouement. M. de Chateaubriand se trouvait tout naturellement à leur tête. Il m'a confirmé ce que j'avais déjà appris, c'est que tous les royalistes en France regardent comme indispensable, pour le 29 septembre, un acte qui constate les droits et la majorité de Henri. Si le loyal M est en ce moment auprès de vous, j'invoque son témoignage que je sais être conforme à ce que j'avance. M. de Chateaubriand exposera au roi ses idées au sujet de cet acte. Il dit avec raison, ce me semble, qu'il faut simplement constater la majorité de Henri et non pas faire un manifeste. Je pense que vous approuverez cette manière de voir. Enfin, mon cher père, je m'en remets à lui pour fixer votre attention et amener une décision sur ce point nécessaire. J'en suis bien plus occupé, je vous assure, que de ce qui me concerne, et l'intérêt de mon Henri, qui est celui de la France, passe avant le mien. Je lui ai prouvé, je crois, que je savais m'exposer pour lui à des dangers, et que je ne reculais devant aucun sacrifice. Il me trouvera toujours la même. Monsieur de Montbel m'a remis votre lettre à son arrivée. Je l'ai lue avec une bien vive reconnaissance. Vous revoir, retrouver mes enfants, sera toujours le plus cher de mes vœux. Monsieur de Montbel vous aura écrit que j'avais fait tout ce que vous demandiez. J'espère que vous aurez été satisfait de mon empressement à vous plaire et à vous prouver mon respect et ma tendresse. Je n'ai plus maintenant qu'un désir, c'est d'être à Prague pour le 29 septembre, et quoique ma santé soit bien altérée, j'espère que j'arriverai. Dans tous les cas, monsieur de Chateaubriand me précédera. Je prie le roi de l'accueillir avec bonté et d'écouter tout ce qu'il lui dira de ma part. Croyez, mon cher père, à tous les sentiments, etc. Post-scriptum, Padoue, le 20 septembre. Ma lettre était écrite lorsqu'on me communique l'ordre de ne pas continuer mon voyage. Ma surprise égale ma douleur. Je ne puis croire qu'un ordre semblable soit émané du cœur du roi. Ce sont mes ennemis seuls qui ont pu le dicter. Que dira la France? Et combien Philippe va triompher? Je ne puis que presser le départ du vicomte de Chateaubriand et le charger de dire au roi ce qu'il me serait trop pénible de lui écrire dans ce moment. Souscription à Sa Majesté Henri V, mon très cher fils, Prague. Padoue, 20 septembre 1833. J'étais au moment d'arriver à Prague et de t'embrasser, mon cher Henri. Un obstacle imprévu m'arrête dans mon voyage. J'envoie M. de Chateaubriand à ma place pour traiter de tes affaires et des miennes. Aie confiance, mon cher ami, dans ce qu'il te dira de ma part, et crois bien à ma tendre affection. En t'embrassant avec ta sœur, je suis ton affectionnée mère et amie, Caroline. M. de Montbel tomba de Rome à Padoue, au milieu de nos cancans. La petite cour de Padoue le bouda, elle s'en prenait à M. de Blacas des ordres de Vienne. M. de Montbel, homme fort modéré, n'eut d'autre ressource que de se réfugier auprès de moi, bien qu'il me craignît. En voyant ce collègue de M. de Polignac, je m'expliquai comment il avait écrit, sans s'en apercevoir, l'histoire du duc de Reichstadt, et admirai les archiducs, le tout à 60 lieues de Prague, lieu d'exil du duc de Bordeaux. Si lui, M. de Montbel, avait été propre à jeter par la fenêtre la monarchie de Saint-Louis et les monarchies de ce bas-monde, c'est un petit accident auquel il n'avait pas pensé. Je fus gracieux envers le comte de Montbel, je lui parlai du Colisée. Il retournait à Vienne se mettre à la disposition du prince de Metternich et servir d'intermédiaire à la correspondance de M. de Blacas. À 11 heures, j'écrivais au gouverneur la lettre convenue. Je pris soin de la dignité de madame, n'engageant point son Altesse royale et lui réservant toute faculté d'agir. Padoue, ce 20 septembre 1833. Monsieur le gouverneur, son Altesse royale, madame la duchesse de Berry, veut bien, pour le moment, se conformer aux ordres qui vous ont été transmis. Son projet est d'aller à Venise en se rendant à Trieste. Là, d'après les renseignements que j'aurai l'honneur de lui adresser, elle prendra une dernière résolution. Agréez, je vous prie, mes remerciements les plus sincères et l'assurance de la haute considération avec laquelle je suis, monsieur le gouverneur, votre très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. Le délégué, en lisant cette lettre, en fut très content. Madame sortit de la Lombardie vénitienne, lui et le gouverneur cessaient d'être responsables. Les faits et gestes de la duchesse de Berry à Trieste ne regardaient plus que les autorités de l'Istrie ou du Frioul. C'était à qui se débarrasserait de l'infortune. Dans un certain jeu, on se hâte de passer à son voisin un petit morceau de papier. À 10 heures, je pris congé de la princesse. Elle remettait son sort et celui de son fils entre mes mains. Elle me faisait roi de France, de sa façon. Dans un village de Belgique, j'ai eu 4 voix pour monter au trône qu'occupe le gendre de Philippe. Je dis à madame, je me soumets à la volonté de votre Altesse royale, mais je crains de tromper ses espérances. Je n'obtiendrai rien à Prague. Elle me poussa vers la porte. Partez, vous pouvez tout. À 11 heures, je montai en voiture. La nuit était pluvieuse. Il me semblait retourner à Venise, car je suivais la route de Mestre. J'avais plus envie de revoir Zanz que Charles X. Fin de la section 18.